13e chapitre, première partie. Allahabad, Konipur, Agra, le mausolée du sultan Akbar, Taj Mahal, la ville en ruine de Fatihpur Sikri, Delhi, la grande rue, le palais de l'empereur, palais et mosquées, la princesse Bijam, l'ancien Delhi, ruine remarquable, la station militaire anglaise. De Bénarès, nous allâmes, Monsieur Lo et moi, à Allahabad, dans un dock de poste. Note. Le dock est un palanquin commode pour deux personnes, placé sur deux roues et traîné par deux chevaux. Fin de note. La distance est de 76 000, que l'on fait sans peine en 12 ou 13 heures. Dans la soirée du 7 janvier 1848, nous quittâmes la ville sacrée et dès le lendemain matin, nous nous trouvâmes dans le voisinage d'Allahabad, près d'un long pont de bateau jeté sur le Gange. Après être sortis du dock, nous nous fîmes porter en palanquin à l'hôtel, éloigné d'un mille. En arrivant, nous le trouvâmes tellement rempli d'officiers d'un régiment en marche qu'on admit mon compagnon de voyage que sous la condition expresse qu'il se contenterait d'une petite place dans la salle à manger. Dans ces circonstances, il ne me resta d'autre ressource que de profiter d'une lettre de recommandation pour le docteur Angus. Mon arrivée ne mit pas moins ce bon vieux monsieur dans l'embarras, car sa maison aussi était déjà encombrée de voyageurs. Mais sa sœur, Madame Spencer, m'offrit aussitôt, avec la plus grande amabilité, la moitié de sa propre chambre à coucher. Allahabad a 25 000 habitants et est situé en partie sur le Jumna, en partie sur le Gange. La ville n'est ni grande ni belle, quoi qu'on la range parmi les cités saintes et qu'elle soit visitée par beaucoup de pèlerins. Les Européens habitent de beaux pavillons dans des jardins en dehors de la ville. Parmi les curiosités qu'elle présente, je mentionnerai particulièrement le fort avec le palais construit sous le sultan Akbar. Il est situé au confluent du Jumna et du Gange. Les Anglais ont élevé de nouveaux ouvrages très solides autour du fort qui aujourd'hui sert de principale place d'armes à l'Inde anglaise. Le palais est un édifice assez ordinaire et l'intérieur ne se fait remarquer que par la disposition de quelques salons. Il y en a qui sont coupés par trois colonnades et qui forment trois rangées d'arcades. Dans d'autres, quelques marches conduisent à de petits appartements qui se trouvent dans le salon même et qui ressemblent à de grandes loges de théâtre. Aujourd'hui, le palais est transformé en arsenal. Il renferme de quoi équiper 40 000 hommes et il ne manque pas non plus de grosses artilleries. Dans une des cours, il y a une colonne de métal de 12 mètres de haut, appelée Ferozé Shaks Lat, qui est très bien conservée, toute couverte de caractères, et au faîte de laquelle est un lion. Une autre curiosité du fort est un petit temple insignifiant, aujourd'hui assez dégradé, qui jouit d'une haute vénération parmi les hindous. Mais à leur grand regret, ils ne peuvent pas le visiter, l'entrée du fort leur étant interdite. Un des officiers me raconta qu'un très riche hindou était venu récemment en pèlerinage à ce temple et il avait fait offrir au commandant du fort 20 000 roupies s'il voulait lui permettre d'y faire ses dévotions. Le commandant ne put naturellement pas y consentir. Le fort d'Allahabad a aussi sa légende. Quand le sultan Akbar en commença la construction, les murs s'écroulaient à mesure qu'on les élevait. Un oracle ayant déclaré que le fort ne s'achèverait pas, heureusement, si un homme ne se dévouait à la mort, il se présenta un individu du nom de Brog, qui exigea pour seul prix de son sacrifice que le fort et la ville porteraient son nom. Aussi les Indiens nomment-ils encore aujourd'hui plus souvent la ville Brog, Allahabad. on a consacré à la mémoire de cet homme héroïque un temple souterrain près du fort où il a été enterré. Ce temple, visité tous les ans par beaucoup de pèlerins, est tout à fait sombre. On n'y pénètre qu'avec des flambeaux ou des torches. En somme, il ressemble à une grande, belle cave dont le plafond reposerait sur de simples piliers de pierre. Les murs sont remplis de niches, toutes occupées par des divinités ou par leurs emblèmes. On montre, comme la plus grande curiosité, un arbre dépouillé de ses feuilles qui a poussé dans le temple et qui s'est frayé un passage à travers la voûte. Je visitais encore un grand beau jardin dans lequel se trouvent 4 mausolées mahométans. Le plus grand renferme un sarcophage en marbre blanc, entouré de galeries en bois, avec des incrustations en nacre aussi riches qu'élégantes. C'est là que repose le sultan Khosrou, fils de Jehan Puira. Dans des sarcophages plus petits sont les enfants du sultan. Les murs sont peints de fleurs roides et d'arbres misérables, parmi lesquels se trouvent aussi des inscriptions. On voit sur un de ces murs un petit rideau que le guide écarta avec un profond respect pour me montrer l'emplacement de la paume d'une main colossale. Il me raconta qu'anciennement, un arrière-arrière-neveu de Mahomet était venu en ce lieu pour y faire ses dévotions. Il était d'une taille et d'une corpulence extraordinaire. En se levant, il s'appuya contre le mur et y laissa l'empreinte de sa main sacrée. Ces 4 monuments datent, dit-on, de plus de 250 ans. Ils sont en grande pierre de taille et richement décorés d'arabesques, de frises, de bas-reliefs, etc. Le tombeau de Khosrou et l'empreinte de la main jouissent d'une haute vénération chez les mahométans. Le jardin me plut bien plus que les monuments, surtout à cause de ces énormes tamarins. Je croyais avoir vu au Brésil les plus grands qu'on pût trouver. Mais la terre, et peut-être aussi le climat de l'Inde, semblent encore favoriser davantage cette espèce d'arbre. Ce n'est pas seulement dans le jardin que se rencontrent ces magnifiques échantillons. Autour de la ville, on voit de superbes allées de tamarins. On cite les tamarins d'Allahabad même dans les ouvrages de géographie. Contre le mur élevé qui entoure le jardin, on a adossé 2 sérails qui se distinguent par de hauts et beaux portails, par leur grandeur et par leur tenue excellente. Il y régnait une très grande animation. On voyait des hommes revêtus de toutes sortes de costumes, des chevaux, des bœufs, des chameaux, des éléphants et une grande quantité de marchandises emballées dans des caisses, des sacs et des ballots. 10 janvier, à 3 heures de l'après-midi, nous quittâmes Allahabad et, sauf quelques petites interruptions, nous continuâmes notre voyage jusqu'à Agra, dans le dock de poste. La distance est d'environ 300 milles. Dans l'espace de 22 heures, nous arrivâmes à Konipur, 150 milles, près du Gange, petite ville qui se distingue par ses établissements européens. Le voyage jusqu'à Konipur nous offrit peu de variété. Nous traversâmes une plaine immense, richement plantée, et une route peu animée. À l'exception de quelques colonnes militaires, nous ne rencontrâmes aucun voyageur. Un passage de troupes dans l'Inde ressemble à une petite migration, et quand on en a vu un, on peut facilement se faire une idée des colonnes innombrables des armées de la Perse ou des autres contrées de l'Asie. La plupart des soldats indigènes sont mariés. Il en est de même des officiers qui sont européens. Aussi, quand un régiment se met en mouvement, il y a presque autant de femmes et d'enfants que de soldats. Les femmes et les enfants voyagent par 2 ou 3 sur des chevaux, sur des bœufs, sur des charrettes, ou ils cheminent à pied, portant des paquets sur leur dos. Leurs bagages sont chargés sur des voitures, et ils conduisent devant eux leurs chèvres et leurs vaches. Les officiers suivent, avec leurs familles, à de petits intervalles, dans des voitures européennes, dans des palanquins ou à cheval. Leurs tentes, leurs meubles et leurs ustensiles, etc., sont portés par des chameaux ou des éléphants qui ferme ordinairement la marche. On dresse les camps des deux côtés de la route. D'un côté sont les hommes, de l'autre les animaux. Khonipur est une station militaire importante. On y voit beaucoup de belles casernes. Il s'y trouve également une société considérable de missionnaires. La ville renferme quelques belles écoles publiques, quelques beaux édifices particuliers et une église chrétienne en style gothique. 12 janvier. Vers midi, nous arrivâmes au petit village de Beura. Nous y trouvâmes un bungalow, c'est-à-dire une maisonnette avec deux ou quatre chambres à peine pourvues des meubles les plus simples et les plus nécessaires. Ces bungalows, situés le long des routes de poste, servent d'hôtels. Ils ont été fondés par le gouvernement. Une personne paye pour une petite chambre 1 roupie par jour. Une famille, 2 roupies. Qu'on reste 24 heures ou bien une demi-heure, le prix est le même dans la plupart de ces établissements. Il n'y en a qu'un petit nombre où, pour un court séjour, on se contente de la moitié du prix. Dans chaque bungalow, il y a un inspecteur indigène qui sert les voyageurs, fait la cuisine, etc. Le rôle est exercé exactement au moyen d'un registre sur lequel tout voyageur est tenu de s'inscrire. Quand il n'y a pas de voyageurs dans un bungalow, on peut y rester tant qu'on veut. Mais s'il en survient, il faut quitter la place au bout de 24 heures. Les villages situés le long de la route sont petits et ont l'air très pauvres et très misérables. Ils sont entourés de grands murs en terre, ce qui leur donne une apparence de fortification. Le 13 janvier, après avoir voyagé en tout 3 nuits et 2 jours et demi, nous arrivâmes à Agra, l'ancienne résidence des grands moghols de l'Inde. Les faubourgs d'Agra ressemblent, par leur extérieur mesquin, aux misérables villages des environs. Ce sont de hauts remparts de terre ou d'argile, entremêlés de petites huttes ou de baraques chétives et délabrées. Mais les choses prirent un autre aspect quand nous eûmes franchi une superbe porte. Nous nous trouvâmes tout à coup devant une grande place ouverte, entourée de murs, et de laquelle 4 hautes portes conduisaient à la ville, au fort et au faubourg. Agra, comme la plupart des villes de l'Inde, n'a pas d'hôtel. Un missionnaire me reçut amicalement et donna à son hospitalité un bien plus grand prix encore par la complaisance qu'il eut de me montrer les curiosités de la ville et des environs. Notre première visite fut consacrée au superbe mausolée du sultan Akbar, à Secundra, 4 milles d'Agra. La porte par laquelle on pénètre dans le jardin est déjà un chef-d'œuvre. Je m'arrêtai longtemps devant elle avec admiration. L'imposante construction est placée sur une terrasse en pierre à laquelle conduisent de larges escaliers. La porte est élevée et surmontée d'un dôme magnifique. Aux 4 coins, il y a des minarets en marbre blanc à 3 étages. Malheureusement, les parties supérieures sont déjà un peu dégradées. Au-dessus de la porte, on voit encore les débris d'un mur en pierre sculpté à jour. Le mausolée est au milieu du jardin. Il forme un carré de 4 étages qui va en se retrécissant vers le haut comme une pyramide. Le premier aspect de ce monument n'est pas très imposant car on a encore trop présent à la mémoire la beauté de la porte d'entrée. Mais l'admiration augmente à mesure que l'on entre dans les détails. Le premier étage est entouré de belles arcades. Les pièces sont simples, les murs sont revêtus de ciment blanc brillant qui pourrait remplacer le marbre. Il s'y trouve quelques sarcophages. Le second étage se compose d'une grande terrasse qui recouvre la construction inférieure. Au milieu s'élève un appartement ouvert et aéré, porté par des colonnes et surmonté d'une légère toiture. Beaucoup de petits kiosques dans les coins et sur les côtés de la terrasse donnent à l'ensemble un aspect un peu bizarre, mais plein de goût. Les jolies coupoles des kiosques doivent avoir été autrefois très riches et très brillantes, car aujourd'hui encore, on voit sur plusieurs de beaux restes de peinture vernie et de filets de marbre blanc incrustés. Le troisième étage ressemble au second. Le quatrième et dernier est le plus beau. Il est tout entier en marbre blanc. Les autres ne sont qu'en grès rouge. De larges arcades couvertes, dont les grilles de marbre extérieures sont d'une beauté inimitable, forment un carré ouvert au-dessus duquel s'étend la plus belle voûte, le ciel bleu. Ici se trouve le sarcophage qui renferme les ossements du sultan. Au-dessus des arcs des colonnades, on a incrusté des maximes du Coran en caractère de marbre noir. Je crois que c'est le seul monument mahométan où le sarcophage se trouve sur le faîte de l'édifice dans un espace non couvert. Le palais des sultans mahométans est dans la citadelle. Il passe pour une des principales constructions d'architecture moghole. Note. Plusieurs villes indiennes des temps modernes ont été fondées par les Moghols ou tellement transformées par eux qu'elles ont perdu tout à fait leur caractère primitif. L'Inde fut conquise dès le Xe siècle par les Moghols. Fin de note. Les fortifications ont une étendue de près de 2000 et se composent d'une double et triple enceinte de murs. Les murs extérieurs peuvent avoir 25 mètres de haut. L'intérieur est divisé en trois cours principales. La première était habitée par les gardes, la deuxième par les officiers et hauts fonctionnaires. La troisième, placée du côté du Jumna, renferme les palais, les bains, les harems et quelques jardins. Dans cette cour, tout est en marbre blanc. Les murs des chambres sont incrustés de mosaïques faites de pierres de prix, comme agate, onyx, jaspe, carniole, lapis-lazuli. Elles représentent des vases de fleurs, des oiseaux, des arabesques et d'autres figures. Deux pièces sans fenêtres sont exclusivement destinées à produire un grand effet par l'éclairage. Les murs, les plafonds voûtés sont ornés de mica schiste qui forment d'étroites bordures argentées. Des cascades se précipitent par-dessus des murs de verre, derrière lesquels on peut placer des lumières, et des jets d'eau s'élèvent au milieu des appartements. Sans lumière même, tout étincelait et brillait d'un éclat extraordinaire. Que ne devait-ce pas être quand d'innombrables lumières s'y reflétaient mille et mille fois? À la vue de ces splendeurs, on conçoit facilement les merveilleuses descriptions des Orientaux et les contes des mille et une nuits. De semblables palais, de semblables appartements peuvent réellement passer pour de véritables féeries. À côté du palais, il y a une petite mosquée, également en marbre blanc et ornée avec le plus grand art d'arabesques, de bas-reliefs, etc. Avant de quitter le fort, on nous conduisit dans un profond souterrain, ancien théâtre des exécutions secrètes. Que de sang innocent doit y avoir été versé? La mosquée du Jumna, que des juges compétents mettent au-dessus de la superbe mosquée de Soliman à Constantinople, se trouve en dehors du fort, près de Jumna, sur une haute terrasse en pierre. Elle a été construite par le sultan Akbar. Elle est en grès rouge et possède trois superbes coupoles. Dans les cintres, on voit des restes de précieuses peintures bleu clair et bleu foncé, avec des filets d'or. Il est fâcheux que cette mosquée soit dans un tel état de délabrement, mais il faut espérer qu'elle n'y restera pas longtemps, car le gouvernement anglais a déjà fait commencer des restaurations. Nous retournâmes de la mosquée à la ville, qui est en grande partie entourée de décombres. La grande rue Sander est large et propre. Au milieu, elle est pavée de pierres de taille et sur les côtés de briques. Aux deux extrémités de cette rue se trouvent de majestueuses portes de ville. Les maisons de la ville, de 1 à 4 étages, sont presque toutes en grès rouge, la plupart petites, mais plusieurs sont entourées de colonnes, de piliers et de galeries. Il y en a qui se distinguent par de beaux portails. Les rues adjacentes sont toutes étroites, tortueuses et laides. Les bazars sont peu considérables. Dans l'Inde, comme dans l'Orient, il faut chercher de belles marchandises dans l'intérieur des maisons. Jadis, la population de cette ville montait à 800 000 âmes. Aujourd'hui, elle en a à peine 60 000. Tous les alentours sont remplis de ruines. Les personnes qui veulent faire bâtir n'ont que la peine de ramasser les matériaux. bien des Européens habitent des maisons tombées en ruine qu'avec peu de peine et peu de frais, ils transforment en jolis palais. Agra est le principal siège de deux sociétés, deux missionnaires, une catholique et l'autre protestante. On instruit ici, comme à Bénarès, les descendants des enfants recueillis en 1831. On me montra une petite fille achetée dernièrement à une pauvre mère au prix de 2 roupies. À la tête de la mission catholique est placé un évêque. Le titulaire actuel, M. Porgy, a fait élever une église construite avec goût, ainsi qu'une belle maison. Nulle part, je n'ai vu autant d'ordre, ni les indigènes aussi bien tenus qu'ici. Le dimanche, après les heures de prière, les catholiques se livrent à des divertissements convenables, tandis que les protestants, après avoir travaillé toute la semaine, sont tenus de prier le dimanche toute la journée et ne peuvent se permettre d'autres distractions que de rester assis quelques heures, avec un maintien calme et grave, devant les portes de leur maison. Quand on passe un dimanche parmi de vrais protestants, on croirait réellement que le bon Dieu a refusé aux hommes jusqu'à la distraction la plus innocente. Ces deux sociétés de missionnaires ne vivent pas dans les meilleurs termes. Elles se critiquent et se blâment l'une l'autre pour la moindre chose, ce qui n'est pas précisément d'un bon exemple pour les indigènes qui les entourent. Ma dernière visite fut pour le bijou si admiré d'Agra, je dirais même de toute l'Inde, le fameux Taj Mahal. J'avais lu dans un livre qu'il fallait visiter ce monument le dernier parce qu'après l'avoir vu, on ne pouvait plus admirer les autres. Le capitaine Elliot dit « Il est difficile de donner une description de ce monument. La construction est pleine de force et d'élégance. » Deux portes d'entrée et deux mosquées, situées à peu de distance du Taj Mahal, sont en grès rouge et en marbre blanc. Isolées, chacune d'elles passerait pour un chef-d'œuvre. Mais elles se trouvent écrasées par le voisinage du Taj Mahal, dont un voyageur dit à plein droit « Il est trop pur, trop sacré, trop parfait pour avoir pu être créé de main d'homme. Il faut que des anges l'aient descendu du ciel et on devrait le mettre sous une cloche de verre pour le garantir contre tout souffle et tout courant d'air. » Ce mausolée, qui date déjà de plus de 250 ans, est aussi parfaitement conservé que si on venait de l'achever. Certains voyageurs prétendent que le Taj Mahal, au clair de lune, produit un effet magique. Je le vis éclairé par la pleine lune, mais son aspect me transporta si peu que je regrettais, au contraire, d'avoir affaibli ma première impression. Sur les anciennes ruines ou sur les édifices gothiques, le reflet de la lune a quelque chose de féerique, mais il n'en est pas de même d'un monument tout en marbre blanc. À la lumière de la lune, le Taj Mahal se fond en masses incertaines et paraît en partie comme couvert d'une légère couche de neige. Le premier voyageur qui a formulé cette fausse opinion sur le Taj Mahal l'a probablement visité dans une compagnie par laquelle il était tellement charmé qu'il trouvait tout surnaturel et céleste. D'autres, depuis, ont sans doute trouvé plus commode, au lieu de s'en assurer eux-mêmes, de reproduire de confiance ce qu'avait affirmé leur devancier. Une des plus intéressantes excursions de tout mon voyage fut une course à la ville en ruine de Fatihpur Sikri. Éloignée d'Agra de 18 milles et qui a une circonférence de 6 milles. Nous y allâmes en voiture et nous y avions commandé des chevaux de relais pour pouvoir faire la partie en un seul jour. La route passe de temps en temps par d'immenses plaines couvertes de bruyères. Dans l'une de ces plaines, nous aperçûmes un petit troupeau d'antilopes. Plus petites que les daims, elles sont, comme les gazelles, d'une grande légèreté et d'une délicatesse extraordinaire. Elles ont le long du dos de petites raies d'un brun foncé. Elles traversaient la route devant nous sans trop de crainte, en faisant par-dessus les fossés et les buissons des sauts de plus de 7 mètres et il y avait dans tout leur mouvement tant de grâce qu'elles semblaient danser à travers les airs. Je ne rencontrais pas avec moins de plaisir deux paons sauvages. On éprouve un charme tout particulier à voir en liberté des animaux que nous sommes habitués en Europe à garder à titre de rareté comme les plantes exotiques et que nous enfermons dans des cages ou dans des trois espaces. Le paon, dans son état naturel, est ici un peu plus grand que je ne l'ai vu en Europe. Ses couleurs et l'éclat de son plumage me parurent aussi plus beaux et plus vifs. L'Indien a pour cet oiseau presque autant de vénération que pour la vache. Les paons, de leur côté, semblent comprendre le culte que l'on a pour eux, car on les voit, comme les hôtes domestiques des basses-cours, se promener tranquillement dans les villages ou bien se reposer à leur aise sur les toits des maisons. Dans quelques contrées, les Indiens ont tant de tendresse pour les paons qu'un Européen s'exposerait au plus mauvais traitement s'il avait le malheur de tirer sur un de ces oiseaux. Il y a quelques mois, deux soldats anglais périrent pour ne pas avoir respecté cette superstition de l'Hindoustan et pour avoir tué quelques paons. Les Indiens se précipitèrent avec fureur sur les meurtriers et les maltraitèrent si cruellement qu'ils en moururent. Fatihpur Sikri est situé sur une colline. Aussi voit-on de loin les murs du fort, les mosquées et d'autres édifices. Ces ruines commencent à quelque distance en dehors du rempart. Des deux côtés de la route, il y a des restes de maisons ou d'appartements isolés, des fragments de belles colonnes, etc. Je vis avec beaucoup de peine les indigènes tailler plusieurs blocs et les façonner pour leur servir de matériaux. On entre par de belles portes dans le fort et dans la ville, au milieu d'éboulements et de ruines. Le tableau qui s'offre ici au regard est bien plus saisissant que celui de Pompéi, près de Naples. À Pompéi, il est vrai, la destruction est bien complète aussi, mais c'est une destruction très régulière. Les rues et les places ont l'air aussi propres que si elles n'avaient été désertées que la veille. Les maisons, les palais et les temples ont été débarrassés de leurs décombres. Les ornières même des voitures sont restées intactes. De plus, Pompéi est dans une plaine. On ne l'embrasse pas d'un seul coup d'œil et elle n'a pas la moitié de l'étendue de Sikri. Les maisons sont plus petites, les palais sont moins nombreux et ils offrent un caractère moins grandiose. À Sikri, un immense espace se déroule à vos yeux. Partout, il y a des édifices magnifiques, des mosquées et des kiosques, des palais, des colonnades et des arcades. En un mot, tout ce que l'art peut produire. Et pas un seul morceau n'a échappé entier à la destruction du temps. Tout est tombé en ruine. On peut à peine se défendre de l'idée d'un terrible tremblement de terre. Et il n'y a guère que 2 siècles que la ville était debout dans toute sa richesse et sa splendeur. Elle n'a pas été, il est vrai, couverte comme Pompéi, d'une lave protectrice, mais exposée sans défense à tous les orages et à toutes les tempêtes. Ma douleur et ma surprise croissaient à chaque pas. Spectacle à la fois déchirant et étonnant. Quelle terrible destruction à côté d'une magnificence visible, d'une réunion d'édifices grandioses, de superbes sculptures, de riches fragments de tout genre. Je vis des constructions dont l'intérieur et l'extérieur étaient littéralement si surchargés de sculptures qu'il ne restait pas la moindre place dépourvue d'ornements. La principale mosquée surpasse pour la grandeur et pour l'architecture la mosquée de Jumna à Agra. La porte d'entrée qui conduit au vestibule passe pour la plus grande du monde. Le cintre de la porte a 24 mètres de haut. La hauteur de tout le monument est de 47 mètres. Le péristyle de la mosquée est également des plus grands. Sa longueur est de 145 mètres, sa largeur de 136. Il est entouré de belles arcades et de petites cellules. Ce péristyle était, dit-on, presque aussi sacré que la mosquée elle-même, parce que Akbar le Juste avait l'habitude d'y faire ses dévotions. Note, Akbar, le plus excellent prince de son temps, non seulement dans l'Inde, mais aussi dans toute l'Asie, naquit en 1542 et monta sur le trône à l'âge de 14 ans. Sa bonté et sa justice exemplaires, ainsi que sa haute intelligence, l'ont fait aimer et presque adorer comme une divinité. Fin de note. Après la mort de ce prince, la place où il priait fut marquée par une espèce d'autel en marbre blanc, merveilleusement travaillé. La mosquée elle-même, construite dans le style de la mosquée de Jumna, a, comme celle-ci, trois grands dômes. L'intérieur est rempli de sarcophages dans lesquels reposent ou des parents ou des ministres favoris du sultan Akbar. On voit même d'autres tombeaux semblables dans une cour voisine. Le sultan Akbar passait chaque jour plusieurs heures dans la salle de justice et donnait audience au dernier comme au premier de ses sujets. Une colonne placée au milieu de la salle et dont le haut représente une plateforme formait le divan de l'empereur. Cette colonne, dont le chapiteau est taillé de la manière la plus admirable, s'élargit vers le haut et est entourée d'une belle grille en pierre d'un pied de haut. Du dedans, quatre larges galeries et de petits ponts de pierre conduisent dans les pièces contiguës du palais. Les palais du sultan se distinguent moins par leur grandeur que par leurs sculptures, leurs colonnes, etc. Tous en sont décorés, on pourrait même dire surchargés. La célèbre porte des éléphants excita moins mon admiration. Sans doute sa voûte est très élevée, mais elle n'est pas si haute que la porte d'entrée qui conduit à l'avant-cour de la mosquée. Les deux éléphants de pierre placés sur le seuil sont tellement dégradés qu'on reconnaît à peine ce qu'ils représentent. Ce qui est mieux conservé, c'est la tour des éléphants, dont quelques descriptions disent qu'elle n'est composée que de dents d'éléphants et même d'éléphants enlevés à l'ennemi par Akbar ou bien tués dans des chasses par ce sultan. Mais cela n'est pas. La tour qui a 20 mètres de haut est en pierre et les dents y sont fixées depuis le haut jusqu'en bas comme de grandes épines. Akbar, dit-on, s'est souvent assis sur le faîte de cette tour pour tirer aux oiseaux. Tous les édifices, même l'énorme et long rempart, sont de grès rouge et non pas, comme plusieurs le prétendent, de marbre rouge. Des centaines de petits perroquets verts ont établi leur nid dans les fentes et les fissures des édifices. Le 19 janvier, je quittai de nouveau, en société de M. Lowe, la célèbre ville d'Agra pour aller visiter une ville encore plus célèbre, celle de Delhi, à 122 milles d'Agra. On y va aussi par une excellente route de poste. La contrée entre Agra et Delhi est assez uniforme. Nulle part, on ne découvre la moindre colline. La terre cultivée alterne avec des bruyères et des sables, et les misérables villages ou villes que l'on trouve sur la route ne nous donnèrent pas la moindre envie d'interrompre notre voyage, même pour quelques instants. Près de la petite ville de Gassinagar, un long pan suspendu traverse le Jumna. Le 20 janvier, dans l'après-midi, nous arrivâmes à Delhi. Je trouvai dans M. le docteur Spranger un compatriote aussi bon qu'aimable. M. Spranger est né dans le Tyrol. Ses facultés supérieures et ses connaissances lui ont acquis une grande réputation, non seulement parmi les Anglais, mais aussi dans tout le monde savant. Il est directeur du collège de Delhi et a obtenu dernièrement une mission du gouvernement anglais pour aller à Lucknow examiner la bibliothèque du roi indien, la mettre en ordre et publier les ouvrages les plus intéressants qu'elle renferme. Possédant parfaitement le sanskrit, le persan ancien et moderne, le turc, l'arabe et l'hindoustani, il a donné en anglais et en allemand des traductions de ses ouvrages. Il a déjà enrichi la littérature de précieuses et spirituelles publications et il y joindra encore beaucoup de travaux dignes d'intérêt car c'est un homme excessivement actif et qui n'a que 34 ans. Quoique le départ de M. Spranger pour Lucknow fut très prochain, il n'en eut pas moins l'extrême complaisance de vouloir bien me servir de cicérone. Nous commençâmes par la grande ville impériale de Delhi, sur laquelle étaient jadis fixés tous les regards non seulement de l'Inde, mais aussi de presque toute l'Asie. Elle fut de son temps pour l'Inde ce qu'Athènes fut pour la Grèce et Rome pour l'Europe. Aujourd'hui, elle partage le sort des autres cités indiennes et, de toute son ancienne grandeur, elle n'a gardé que son nom. Le Delhi existant s'appelle le Nouveau Delhi, quoique la ville soit déjà bâtie depuis 2 siècles. C'est la continuation des anciennes villes qui ont été, à ce qu'on pense, au nombre de 7, et dont chacune s'appelait Delhi. Toutes les fois que les palais, les mosquées, les fortifications commençaient à se dégrader, on les laissait tomber en ruines et on élevait de nouvelles constructions à côté des anciennes. De cette manière, les ruines s'entassèrent sur les ruines et occupèrent un espace qui a, dit-on, plus de 6 000 de largeur et de 18 de longueur. Si une mince couche de terre ne couvrait pas déjà une grande partie de ces ruines, elles seraient certainement les plus étendues de l'univers. Le Nouveau Delhi est situé sur le Jumna. D'après la géographie de Bruckner, cette cité renferme une population de 500 000 âmes, mais elle n'en a réellement pas beaucoup plus que 100 000, parmi lesquels on compte une centaine d'Européens. Note. Au temps de sa plus grande splendeur, Delhi avait 2 millions d'habitants. Fin de note. Les rues sont larges et belles. Je n'avais encore rien vu de pareil en ce genre dans aucune autre ville de l'Inde. La principale rue, Chandni Chowk, ferait honneur à toutes les capitales d'Europe. Elle a près de 3/4 mile de long et est large de plus de 30 mètres. Elle est coupée dans toute sa longueur par un canal étroit et sans eau, à moitié comblée. Les maisons de cette rue ne se distinguent ni par la grandeur ni par la magnificence. Elles n'ont tout au plus qu'un seul étage. Au rez-de-chaussée, elles sont garnies de misérables auvents où sont exposées des marchandises de peu de prix. Je n'ai pas été assez heureuse pour voir les superbes magasins, les nombreuses pierres précieuses qui, au dire de beaucoup de voyageurs, jettent le soir un éclat incomparable à la lueur des lampes et des lumières. Les jolies maisons et les somptueux magasins se trouvent dans les rues adjacentes au bazar. Les produits de l'art que j'y vis consistaient en objets d'or et d'argent, en étoffes d'or et en châles. Les objets d'or et d'argent sont faits par les indigènes avec tant de goût et d'art qu'on aurait de la peine à trouver rien de plus beau à Paris. Les étoffes tissées d'or, les broderies d'or et de soie sur étoffe et les châles de cachemire sont de la dernière perfection. Les cachemires les plus fins coûtent ici 4 000 roupies. Ce qui mérite encore plus d'admiration, c'est l'habileté des artisans. Lorsqu'on voit avec quelles faibles ressources et avec quels outils ils savent produire tous ces chefs-d'œuvre. Il est fort agréable de se promener le soir dans les principales rues de Delhi. On y voit parfaitement la vie des grands et des riches de l'Inde. On ne trouve nulle part tant de princes et de grands seigneurs. Indépendamment de l'empereur pensionné et de ses parents, dont le nombre s'élève à plusieurs milliers, il y vit encore d'autres souverains et ministres destitués et pensionnés. Ils répandent beaucoup de vie dans la ville. Ils aiment à se montrer en public, font souvent de grandes et de petites parties, se promènent, toujours sur des éléphants, dans les jardins voisins ou le soir dans les rues. Pour les excursions de jour, les éléphants sont richement ornés de tapis et de belles étoffes, de tresses d'or et de houppes. Les sièges, appelés hodas, sont même couverts de châles de cachemire. Les baldaquins, somptueusement décorés, garantissent les cavaliers contre le soleil. Ou bien des serviteurs tiennent au-dessus d'eux d'immenses parasols ouverts. Les princes et les grands personnages, très richement habillés à l'oriental, sont assis par 2 ou par 4 dans ces hodas. ces cortèges présentent le plus bel aspect et sont encore plus nombreux et plus magnifiques que celui du Raja de Bénarès que j'ai décrit. Un seul cortège se compose souvent d'une douzaine d'éléphants ou plus, de 50 à 60 soldats à pied et à cheval, d'autant de domestiques, etc. Le soir, on déploie moins de pompe. Un éléphant et quelques serviteurs suffisent. Ils montent et descendent les rues et jettent des œillades à des femmes d'une classe particulière, assises en grande toilette, la figure sans voile, à des croisées ou dans des galeries ouvertes. D'autres font cabrer de nobles coursiers arabes dont l'élégant aspect est encore rehaussé par des housses brodées d'or, par des mors d'argent et des brides garnies d'argent. Entre ces cortèges marchent gravement des chameaux pesamment chargés venant de contrées lointaines. Il y a aussi beaucoup de béis attelés de superbes bisons blonds dont se servent les gens moins riches ou les femmes dont nous avons parlé plus haut. Les bélis, comme leur attelage, sont recouverts de housses écarlates. Les cornes et la partie inférieure des pieds des bisons sont peintes de couleur brune. Autour du cou, ils ont un beau ruban auquel sont attachés des grelots ou des clochettes. Les plus jolies personnes regardent d'un air très réservé du fond de ces bélis à moitié ouverts. Si je ne savais pas à quelle classe de femmes appartiennent ces jeunes filles non voilées, on ne reconnaîtrait pas, à leur manière, l'état qu'elles exercent. Malheureusement, ces créatures sont plus nombreuses dans l'Inde que dans tout autre pays. La cause principale en est une loi contre nature, un usage révoltant. Les filles sont ordinairement fiancées dès la première année. Si le fiancé vient à mourir, l'enfant ou la jeune fille est considérée comme veuve et, à ce titre, ne peut plus se marier. Ces jeunes filles deviennent alors d'ordinaires danseuses. Le veuvage est regardé comme un grand malheur. On croit que c'est la punition des femmes dont la conduite n'a pas été irréprochable dans une vie antérieure. L'Indien ne peut épouser qu'une fille de sa caste. Au nombre de toutes les curiosités qu'on voit dans les rues, il faut encore ajouter les jongleurs, les prestidigitateurs, les dompteurs de serpents qui courent partout et qui sont toujours entourés de curieux. Je vis des jongleurs faire des tours qui me parurent réellement inconcevables. Ils crachaient du feu accompagné de beaucoup de fumée. Ils mélangeaient des poudres blanches, rouges, jaunes et bleues, avaler le mélange et cracher ensuite chaque poudre séparément sans qu'elle fût mouillée. Il baissait les yeux et lorsqu'il les relevait, la prunelle paraissait comme de l'or. Puis ils inclinaient la tête et quand il la relevait, la prunelle avait repris sa couleur naturelle, mais les dents étaient en or. D'autres se faisaient une petite entaille dans la peau et tiraient de cette ouverture plusieurs zones de fil de coton et de soie et de petits rubans. Les dompteurs de serpents tenaient ces bêtes par la queue et les faisaient tourner autour de leurs bras, de leur cou et de leur corps. Ils touchaient à de grands scorpions et les faisaient passer sur leurs mains. Je vis aussi quelques combats entre de grands serpents et des ichneumons. Ce dernier animal, un peu plus grand qu'un furet, vit commencer de serpents et d'œufs de crocodile. Il sait prendre les serpents si habilement par la nuque qu'ils succombent toujours. Quant aux œufs de crocodile, ils les sucent. À l'extrémité de la grande rue est le palais impérial qui est regardé comme un des plus beaux édifices de l'Asie. Il occupe avec ses dépendances plus de 1000 pieds carrés et il est entouré d'un rempart de plus de 13 mètres de hauteur. À l'entrée principale, plusieurs portes qui se succèdent forment une belle perspective terminé par un joli portique. Ce portique est petit, en marbre blanc et incrusté de belles pierres. Le plafond qui forme une voûte est en verre de Moscovie avec de petites étoiles peintes. Mais malheureusement, il perdra bientôt tout son éclat car la plus grande partie du verre est déjà tombée et ce qui reste ne tardera pas à se détacher aussi. Au fond du portique est une porte de métal doré ornée de beaux dessins gravés à l'eau-forte. C'est dans ce portique que l'ex-monarque a l'habitude de se montrer au peuple qui visitent encore quelquefois le palais par curiosité ou par un ancien respect. C'est là aussi qu'il reçoit les visites des Européens. Les plus belles parties du palais impérial sont la superbe salle d'audience, le divan, admiré de tout le monde, et la mosquée. Le divan est au milieu d'une grande cour et forme un long carré. Le plafond est supporté par 30 colonnes. La salle est ouverte de tous côtés. Quelques marches y conduisent et elle est entourée d'une jolie galerie de marbre d'1,5 mètre de haut. Le grand Mogol a si peu de goût qu'il a fait couper ce divan en deux par une misérable cloison en bois. Une autre cloison semblable, dont je ne saisissais pas le but, se joint sur le devant, aux deux côtés de la salle, et ainsi on peut dire qu'elle est tout à fait encadrée de planches. Il y a dans ce divan un magnifique trésor, le plus gros cristal du monde. C'est un bloc de plus d'1 mètre de long, de 75 cm de large et de 30 cm d'épaisseur. Il est très transparent. Note. Quelques écrivains donnent à ce même cristal une longueur de plus de 8 mètres. Fin de note. Il servait aux empereurs de trône ou de siège dans le divan. Maintenant, le cristal est caché derrière la gracieuse cloison et, si je n'avais pas connu son existence par les livres et que je n'eusse pas demandé à le voir, on ne me l'aurait pas montré. La mosquée est petite, il est vrai. Mais comme la salle de justice, elle est en marbre blanc, avec de belles colonnes et des sculptures. À la mosquée se rattache immédiatement le jardin Chalinar. C'était autrefois l'un des plus beaux de l'Inde, mais aujourd'hui il est tout à fait dégradé. Dans les cours, il y avait beaucoup de saleté et d'immondices. Les constructions ressemblaient presque à des ruines, et de misérables baraques s'appuyaient contre des murs à moitié tombés. Dans l'intérêt de la résidence impériale, il serait très nécessaire de construire bientôt un nouveau Delhi. Cependant, il règne partout beaucoup de mouvements. Dès mon entrée dans le palais, j'avais vu un groupe d'hommes assemblés dans une des cours. Une heure plus tard, comme nous terminions notre visite, ces mêmes hommes étaient encore réunis à la même place. Nous approchâmes pour voir ce qui fixait à ce point leur attention. C'étaient quelques douzaines de petits oiseaux apprivoisés, posés sur des perchoirs et qui prenaient leur manger des mains des gardiens ou bien se le disputaient entre eux. Les spectateurs, nous assura-t-on, étaient presque tous des princes. Plusieurs étaient assis sur des chaises, d'autres se tenaient debout avec les gens de leur suite. Quand ils sont en négligé, les princes ne se distinguent que très peu par le costume de leurs domestiques sur lesquels ils ne l'emportent pas beaucoup non plus par l'instruction et les connaissances. L'empereur affectionne un divertissement qui ne vaut guère mieux que celui des oiseaux. Ce sont ses soldats, composés de garçons de 8 à 14 ans. Ils portent de misérables uniformes qui, par la coupe et la couleur, ressemblent à ceux des Anglais. Leurs exercices sont dirigés en partie par de vieux officiers, en partie par des enfants. Je plaignais de tout cœur la petite troupe et j'avais de la peine à comprendre comment ces petits bonshommes pouvaient manier des armes et de lourdes bannières. D'ordinaire, le monarque s'assied chaque jour, pendant plusieurs heures, dans la petite salle de réception et s'amuse aux manœuvres de ses jeunes guerriers. C'est dans ces moments qu'on a le plus de chance d'être présenté à Sa Majesté. Mais le vieux monarque, âgé de 85 ans, était justement indisposé, ce qui me priva du bonheur de le voir. L'empereur reçoit du gouvernement anglais une pension de 14 lacs, ou 1 400 000 roupies, plus de 3 millions de francs. Il a conservé en outre les revenus de plusieurs vastes domaines qui lui rapportent encore bien près de 2 millions. Cependant, toujours aux expédients, il n'est pas plus à son aise que le Raja de Bénarès. Avec ses revenus, il doit pourvoir à l'entretien de plus de 300 descendants de la famille impériale, d'une centaine de femmes et de plus de 2000 serviteurs. Qu'on ajoute à ces dépenses celles que nécessite le service de ces écuries, une grande quantité de chevaux, de chameaux et d'éléphants, et on comprendra facilement que malgré ces millions, ils soient presque toujours dans une pénurie extrême. Le premier de chaque mois, le monarque reçoit sa pension, qui est portée au trésor sous la garde des soldats anglais, car autrement elle serait pillée en route par les créanciers du sultan. Aussi, pour augmenter ses ressources pécuniaires, a-t-il recours à toutes sortes de moyens fort ingénieux et assez lucratifs. Il vend des titres honorifiques, il met aux enchères des fonctions publiques, et les bons Indiens, pleins de respect pour sa majesté déchue, s'empressent à l'envi d'acquérir avec quelques sacs de roupies la gloire d'occuper une place près du magnanime empereur. Les uns achètent quelques signes de distinction, quelques hochets. D'autres, qui le croiraient, des emplois et des charges d'officier pour un de leurs enfants. Le commandant actuel des troupes impériales a été doté de son haut grade par ses généreux parents. Il est à peine âgé de 10 ans. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que le ministre des Finances, chargé des recettes et des dépenses de l'empereur, non seulement ne reçoit pas de traitement, mais encore paye tous les ans à son souverain 10 000 roupies pour avoir l'honneur de le servir. À quel chiffre ne doivent pas s'élever les détournements? Cet habile empereur se donne le plaisir d'avoir un journal qui jouit du privilège d'être excessivement comique et du dernier ridicule. Cet honnête et véridique journal ne parle ni du régime constitutionnel ni des événements politiques du monde. Il se borne à relater les faits et gestes de la maison impériale, ses actes de munificence et, hélas, aussi, ses misères. C'est ainsi que ce moniteur officiel rapporta un matin le fait suivant. La blanchisseuse du palais est venue réclamer à la sultane 3 roupies qui lui étaient dues. La sultane a fait prier son impérial époux de lui donner cette somme. L'empereur l'a demandé à son trésorier, qui a répondu que comme on était à la fin du mois, la caisse était entièrement vide et la blanchisseuse a été renvoyée pour le paiement de sa note au mois suivant. Cet intéressant journal donne encore des nouvelles de ce genre. Le prince C est venu voir à telle ou telle heure le prince D ou le prince F. Il a été reçu dans telle ou telle pièce et est resté tant et tant de temps. La conversation a roulé sur tel ou tel sujet, etc. Parmi les autres palais de la ville, l'un des plus beaux est celui qui renferme le collège. Il est construit en style italien et vraiment majestueux. Ses colonnes sont d'une rare élévation. Le vestibule de l'escalier, les chambres et les salons sont très grands et très hauts. Il y a derrière le palais un beau jardin, devant une grande cour et un haut mur fortifié tout autour. Le docteur Springer, comme directeur du collège, a une habitation vraiment princière. Le palais de la princesse Bijem, d'un style moitié italien, moitié moghol, est assez grand et se distingue par ses salons d'une beauté vraiment remarquable. Un joli jardin, jusqu'ici assez bien entretenu, l'entoure de tous côtés. Du temps que Delhi n'était pas encore sous la domination anglaise, la princesse Bijem fit beaucoup de sensations par sa haute intelligence, son esprit entreprenant et sa bravoure. D'origine hindoue, elle fit dans sa jeunesse la connaissance d'un Allemand nommé Sombar. Devenue amoureuse de lui, elle embrassa la religion chrétienne pour pouvoir l'épouser. Monsieur Somba leva quelques régiments d'indigènes et quand ils furent bien dressés et bien exercés, il les amena à l'empereur. Dans la suite, il sut si bien se mettre dans les bonnes grâces du souverain que celui-ci le dota de grands biens et l'éleva au rang de prince. Sa femme lui prêta en toute occasion un concours énergique. Après la mort de son mari, elle fut nommée commandante des régiments, fonction qu'elle remplit honorablement pendant plusieurs années. Elle est morte il n'y a pas longtemps, à l'âge de 80 ans. Je ne vis que 2 des nombreuses mosquées du Nouveau Delhi. la mosquée Roshun Oud Dola et la mosquée de Jumna. La première est dans la grande rue. Ses flèches et ses coupoles sont couvertes d'une dorure massive. Elle est célèbre par la cruauté du Shah Nadir. Lorsqu'il fit la conquête de Delhi en 1739, ce souverain, homme remarquable, mais d'un caractère féroce, fit massacrer 100 000 des habitants et assista, dit-on, à ce spectacle sanglant du haut d'une des tours de cette mosquée. La ville fut ensuite incendiée et pillée. La mosquée de Jumna, construite par le Shah Jihan, est également considérée comme un chef-d'œuvre d'architecture mahométane. Elle s'élève sur une immense plateforme à laquelle on monte par 40 marches et domine d'une manière vraiment majestueuse la masse de maisons dont elle est entourée. Sa symétrie est surprenante. Les trois dômes et les petites coupoles des minarets sont en marbre blanc. Tout le reste, jusqu'aux grandes dalles du beau vestibule, est en grès rouge. Les ornements appliqués sur les murs de la mosquée sont également en marbre blanc. Il y a beaucoup de sérail avec des portails d'une beauté merveilleuse. Les bains sont insignifiants. Nous consacrâmes 2 jours à la visite des monuments plus éloignés de l'ancien Delhi. La première halte fut faite à la Purana Kal, monument encore très bien conservé. Toutes les grandes et belles mosquées se ressemblent extraordinairement. Celles-ci se distinguent par la grandeur, l'élégance, la richesse, par la beauté des sculptures et le goût des bas-reliefs. 3 hautes coupoles, légèrement voûtées, couvrent le principal édifice. Des tourelles ornent les coins, 2 hauts minarets s'élèvent sur les côtés. Les parties inférieures des dômes et la porte d'entrée sont revêtues d'une argile vernie et peinte. Les couleurs ont beaucoup de fraîcheur et d'éclat. L'intérieur des mosquées est toujours vide. Une petite tribune pour l'orateur ou le chantre, quelques lustres et quelques lampes en font tout l'ornement. Le mausolée de l'empereur Humayun, construit tout à fait dans le style d'une mosquée, fut commencé par ce souverain lui-même. Mais il mourut avant qu'il fût fini. Son fils Akbar le fit achever. Le temple à haute coupole, au milieu duquel s'élève le sarcophage, est orné de quelques mosaïques en belles pierres. En guise de carreaux, les fenêtres sont garnies de grilles en pierre, artistement travaillées. Dans des portiques contigus reposent, sous de simples sarcophages, plusieurs des femmes et des enfants de l'empereur Humayun. Non loin de ce monument est le tombeau de Nizam ul-Din, mahométan très vénéré pour sa sainteté. Il se trouve dans une petite cour dont le sol est dallé en marbre blanc. Un revêtement carré, également en marbre, avec 4 jolies petites portes, entoure le beau sarcophage. Il est encore plus délicat et mieux travaillé que celui du Taj Mahal. On comprend à peine comment il a été possible de produire un tel chef-d'œuvre. Les portes, les piliers, les arcades sont surchargés des bas-reliefs les plus délicats. Je n'en ai pas vu de plus achevé dans les plus belles villes d'Italie. Le marbre dont on s'est servi est parfaitement de blancheur et de pureté et tout à fait digne du chef-d'œuvre. Plusieurs jolis monuments, tout en marbre blanc, entourent le sarcophage. Mais une fois qu'on a vu une œuvre pareille, on ne prête plus grande attention au reste. On vante beaucoup un grand bassin en pierre. Il est entouré de 3 côtés, 2 cellules déjà très dégradées. Le 4e côté est ouvert et laisse passage à un escalier superbe de plus de 12 mètres de largeur. Cet escalier conduit au bassin qui a au moins 18 mètres de profondeur. Le pèlerin croirait avoir manqué le but de son pèlerinage s'il n'y descendait pas dès son arrivée. Depuis les terrasses des cellules, on voit des plongeurs se précipiter au fond du bassin pour aller chercher une petite pièce de monnaie qu'on y jette. Il y en a de si agiles qu'ils la saisissent avant qu'elle aille au fond. Nous jetâmes plus d'une pièce d'argent et ils les rapportèrent toujours sans peine. Mais j'ai peine à croire qu'ils les aient attrapées avant qu'elles touchassent le fond. Ils restèrent toujours assez longtemps sous l'eau pour nous faire supposer non seulement qu'ils ramassaient la pièce au fond, mais que même il la cherchait. C'était sans doute une chose assez curieuse. Mais quelle exagération de prétendre, comme le font quelques voyageurs, qu'on ne peut rien voir de semblable ailleurs. Notre dernière visite ce jour-là fut consacrée au superbe monument du vizir Safdar Jung, qui représente également une mosquée. Ce qui me frappa le plus, ce furent des incrustations de marbre blanc dans le grès rouge des quatre minarets. Elles étaient si variées, si délicates et exécutées avec tant de pureté que le dessinateur le plus habile ne pourrait pas les tracer sur le papier d'une manière plus fine et plus exacte. C'est ce qu'on peut dire aussi du sarcophage du principal temple qui est taillé d'un seul bloc de beau marbre blanc. Un jardin assez bien conservé, dessiné tout à fait à l'européenne, entoure le monument. À l'extrémité du jardin, en face du mausolée, s'élève un joli petit palais appartenant en grande partie au roi de Lucknow. Aujourd'hui, il est entretenu par le peu d'Européens établis à Delhi. Il est garni de quelques meubles et sert à recevoir les voyageurs qui viennent visiter ces ruines. Nous y restâmes la nuit et nous y trouvâmes, grâce à la bonne et excellente ménagère, Madame Spranger, toutes les commodités imaginables. La première et la plus agréable, après notre longue course, fut une bonne table. Ces attentions sont doublement précieuses quand on songe aux peines qu'elles ont occasionnées. Ainsi, quand on entreprend une partie comme la nôtre, il ne faut pas seulement s'occuper des vivres du cuisinier, mais aussi songer à la vaisselle de cuisine et de table, à la literie, aux domestiques. En un mot, on doit se pourvoir de tout un petit ménage. Tout cela s'envoie à l'avance et ressemble à un déménagement. Le lendemain, nous nous dirigeâmes vers Kotab Minar, une des plus anciennes et des plus magnifiques constructions des Pathans. C'est de ce peuple que les Afghans tirent leur origine. Le morceau le plus remarquable de ce monument est la colonne du géant, polygone de 27 côtés ou de bord à moitié arrondi avec 5 étages ou galeries qui ont 18 mètres de diamètre à la base et 75 mètres de hauteur. On y arrive par un escalier tournant de 386 marches. Cette construction, à ce qu'on prétend, date du XIIIe siècle et a été élevée par Kotab Ut Dun. La colonne est de grès rouge et il n'y a que la partie supérieure qui soit revêtue de marbre blanc. De merveilleuses sculptures tournent tout autour en larges bandes. Elles sont exécutées avec tant de finesse et d'élégance qu'elles ressemblent à de jolies dentelles. Toutes les descriptions qu'on pourrait faire d'un travail si délicat resteraient bien au-dessous de la réalité. La colonne est par bonheur aussi bien conservée que si elle avait à peine un siècle d'existence. La partie supérieure penche un peu en avant. On ignore si cette inclinaison est artificielle comme celle de la tour de Bologne. Elle se termine par un toit en forme de terrasse, ce qui ne s'accorde pas bien avec le reste de la construction. On ne sait pas s'il y avait autrefois quelque chose au-dessus. Quand les Anglais firent la conquête de Delhi, la colonne était dans le même état qu'aujourd'hui. Nous montâmes jusqu'à la pointe la plus élevée, et là s'offrit à nos yeux l'aspect surprenant de tout ce monde de ruines, du nouveau Delhi, du Jumna, et de ces immenses plaines. Dans les ruines des villes impériales, entassées successivement les unes sur les autres, on pourrait étudier l'histoire des peuples qui ont régné sur l'Hindoustan. C'était autrefois un spectacle grand et saisissant. Beaucoup d'endroits où jadis s'élevèrent des palais et des monuments superbes sont aujourd'hui en pleine culture. Partout où l'on remue la terre, on rencontre des décombres et des ruines. En face de la tour ou de la colonne Kotab Minar s'élève une semblable construction inachevée, dont la base est beaucoup plus étendue que celle de la construction terminée. On présume que ces deux tours faisaient partie d'une superbe mosquée dont il existe encore des cours, des portes, des colonnes et des murs. Note : si ces deux tours faisaient partie d'une même mosquée, pourquoi leurs proportions étaient-elles si différentes ? Fin de note. On reconnaît encore les débris de cette mosquée dans les sculptures très délicates dont les murs et les portes sont recouverts au dedans et au dehors. Les portes d'entrée sont d'une hauteur considérable. Les colonnes des cours sont d'origine bouddhiste. On y voit taillée en relief la cloche avec la longue chaîne. Dans le péristyle se trouve une colonne de métal semblable à celle d'Allahabad. Seulement, elle n'est point surmontée d'un lion et sa hauteur ne dépasse pas 12 mètres. On l'appelle Feroz Shah Lat. Elle porte la trace de quelques dégradations attribuées aux Mongols qui, lors de la conquête de Delhi, voulurent, dans leur rage d'extermination, abattre aussi cette colonne. Ils essayèrent de la renverser, mais elle était trop solide et malgré tous leurs efforts, ils ne réussirent même pas à détruire l'inscription qui s'y trouve. Les autres temples et monuments pathans ou afghans qui sont encore disséminés parmi d'autres ruines se ressemblent autant entre eux qu'ils diffèrent des constructions hindoues et mahométanes. Ces monuments se composent d'ordinaire d'un petit temple rond avec une coupole peu élevée entourée d'arcades ouvertes appuyées sur des colonnes. Ici encore, près de Qotb Minar, le voyageur trouve une demeure riante. Une ruine a été transformée en une habitation de 3 chambres où l'on a disposé quelques meubles. En nous en retournant, nous visitâmes l'observatoire du célèbre astronome Jay Singh. Quand on a vu l'observatoire de Bénarès, il devient inutile de visiter celui-ci. Tous les deux ont été construits par le même maître et dans le même style. Mais celui de Bénarès est encore parfaitement conservé, tandis que celui de Delhi est déjà presque tombé en ruine. Quelques voyageurs regardent ce monument comme une des plus grandes merveilles que l'on puisse voir. Près de l'observatoire est l'ancienne Madrissa, école, grand édifice contenant beaucoup de petites pièces pour les maîtres et les élèves, des galeries et des salles ouvertes où les maîtres donnaient leurs leçons assis au milieu de leurs disciples. Cet édifice assez délabré est encore habité dans quelques parties par des particuliers. Tout contre la Madrissa se trouve une jolie mosquée et un très beau monument, tous deux en marbre blanc. Ce dernier fut élevé par Aurangzeb en l'honneur de son vizir Ghazi al-Din Khan, fondateur de la Madrissa. Le travail en est aussi parfait que celui de Nizam ul-Din et semble être du même artiste. Le palais de Feroz Shah touche au nouveau Delhi. Quoiqu'une partie soit en ruine, on reconnaît encore dans quelques endroits les traces du rempart ainsi que plusieurs restes de construction. Le péristyle de la mosquée a été déblayé il n'y a pas longtemps grâce aux ailes infatigables d'un homme fort estimé ici, le rédacteur de la Gazette anglaise de Delhi, M. Cobb. Il était tellement couvert de décombres et de pierres qu'on eut beaucoup de peine à l'en débarrasser. Il est très bien conservé. Dans ce palais se trouve la 3e colonne de marbre, Feroz Shah Lat. On voit par son inscription qu'elle existait déjà 100 ans avant Jésus-Christ. Elle peut donc être considérée comme un des plus anciens monuments de l'Inde. Elle fut apportée de Lahore à Delhi à l'époque de la construction de ce palais. Le Purana Qila, ou l'ancien fort, le palais de Babar, est très dégradé. On y voit des fragments de 2 portails et de murs. L'élévation et la structure donnent une idée de la grandeur du palais. Les ruines de Toghlukabad sont également dans un triste état de dégradation. Aussi, ne vaut-il guère la peine de faire une course de 7 000 pour aller les voir. Les autres ruines sans nombre sont entièrement dégradées, ou bien ce sont des répétitions de celles que nous avons déjà décrites. Mais de toute manière, elles ne sauraient leur être comparées pour la grandeur, la beauté et la magnificence. Pour des savants, des archéologues et des historiens, elles peuvent être aussi d'un grand intérêt. Mais pour moi, je l'avoue franchement, elles furent loin d'avoir un si grand prix. Il faut encore que je fasse mention de la station militaire anglaise située près du Nouveau Delhi, sur de basses collines. La conformation particulière du sol en rend la visite très intéressante. On est transporté tout à coup dans un pays couvert de puissants blocs de grès rouge entre lesquels se dressent de beaux arbres. Les ruines, d'ailleurs, ne manquent pas plus ici que dans tous les environs de Delhi. Fin du 13e chapitre.